Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Permettez que je sollicite une petite pensée à Kabasele Yampanya, Pepe Kale, qui a partagé le micro avec Danos Kantanuboma dans cette œuvre, dans ce chef-d'œuvre. Et en même temps, une petite pensée à toute la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui est en train de périr, de souffrir à Beni et dans toute la partie Est de la RDC. Merci de soutenir cette population qui souffre, qui voudrait vivre. Merci pour cela. Au nom de l'artiste Danos Kanta Niboma Moine Dido, que nous applaudissons très fort, s'il vous plaît. La vie continue. Place à l'action. L'action avec la chanson, la rumba congolaise, la rumba africaine à l'honneur, Danos Kanta Niboma. On crie fort, Danos Kanta Niboma. On l'applaudit très fort. Londende. Yeah.